Un poème d'une femme, enfin écrit par des femmes zapatistes. Et donc, bah, ça n'a pas été traduit officiellement là, enfin, par une équipe un peu d'experts. Je l'ai traduit moi-même, mais ça devrait bien se passer. Et donc, ça donne à peu près ça. Je suis une femme indigène, confrontée au problème. Dans mon regard, on voit briller la tristesse. Dans chaque pas que je fais, il reste une empreinte, une marque des blessures qu'ils m'ont faites. L'homme et le capitalisme. Ce n'est pas comme être une femme riche. C'est différent. Les femmes riches aussi me regardent mal. Comme les hommes. Je me suis habillée comme ils voulaient, pour oublier que j'étais la femme que je suis. Le regard des hommes m'a réduit à une chose qui ne vaut rien, à une moins que rien, faible et sans force, et à être ainsi très malheureuse. C'est comme ça que j'ai appris que la vie, c'était de la merde. La souffrance m'a amenée à haïr mon corps, à haïr ce que je suis, à oublier que je suis belle et charmante. Tout ça m'est entré dans la tête. Mais la parole zapatiste est devenue ma meilleure amie, ou même mon salut. Aujourd'hui, c'est mon commencement, parce que j'ai appris à m'aimer comme je suis, à aimer être femme. J'ai compris que je n'étais pas née pour servir, ni pour plaire à l'homme, ni même pour obéir à quelqu'un. Au contraire, je suis née pour m'aimer et me chérir, en tant que femme que je suis, et je ne serai heureuse que lorsqu'ils cesseront de m'exploiter. Aujourd'hui, je fête d'être la femme que je suis. Par mon courage, par ma force, j'ai compris que j'étais une femme accomplie, entière. Je n'ai pas su comment traduire, j'ai mis les deux. À partir de maintenant, je serai femme. Je marcherai d'un pas ferme, décidée à lutter pour la vie. Mon cœur battant se régale vivement d'être libre. Mon cœur, mon courage et ma force m'aideront à être libre. J'avancerai avec le papillon, avec mon esprit de lutte. Attendez, je prends un petit coup d'eau. Et donc, en fait, il y a eu d'autres poésies qui toutes racontent en fait un petit peu la même chose, l'histoire des femmes et celle aussi d'une femme zapatiste qui, du coup, a vu la lumière et s'est dit que oui, il y avait un autre chemin. Et justement, quand elles ont terminé leur prestation, elles ont crié « Vive les femmes !» mais aussi « Vive les femmes palestiniennes !» Et donc, voilà.